Fermez les bibles, que Dieu vous bénisse. J'ai dit ici de prier pour votre pays. Vous avez vu, ce soir nous avons vu les puissances démoniaques, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas de votre pays seulement. Tout le pays lutte comme ça, chacun seulement se représentant. Vous êtes ambassadeur du royaume des cieux ou bien ambassadeur du royaume satanique. Vous pouvez être ambassadeur sans fonction. Donc vous en incarnez un esprit. Vous voyez quelqu'un sort là comme ça, là, il parle comme ça, il commence à drainer la foule. Il dit qu'il faut que le tel président s'y quitte. Vous voyez, deux personnes, quatre personnes disent, mais celui-là, il est fin. Dans les plateaux de télévision, il est fin. Vous regardez de l'autre côté, vous voyez effectivement qu'on est en train de former un démon en latin, de l'autre côté en haut. En bas, ça commence à avoir la répétition. Celui-là est intelligent, on dit que non, celui-ci, c'est un esprit. Quand il sort des raisonnements, vous dites que mais comment un homme peut passer comme ça? C'est pas lui qui pense, on pense en lui. C'est donc pour cela. Ce principe-ci, les hommes politiques, les hommes d'État devraient connaître ça et savoir manier cela. Lorsqu'il y a une pensée qui est projetée sur la terre directement, écoutez-moi très attentivement. Avec ça, vous pouvez savoir exactement ce qui va arriver sur la terre. Lorsqu'une pensée est projetée sur la terre, touche la pensée de quelqu'un, il répercute ça sur les oreilles de ses semblables. Vous ne pouvez plus tuer cette pensée-là. Ça va s'accomplir. Écoutez. Vous dites, les pensées, il fut d'un temps, on parlait de Sekou Touré, Kwame Nkrumah, qui sont entrés dans l'histoire aujourd'hui, on ne parle pas de parafricanisme. Ils ont développé des idéaux, n'est-ce pas? Ces idéaux qu'ils ont développés, les arguments, ils se tiennent là, ils commencent à parler, on dit, waouh, comment un être humain peut parler comme ça? Ce n'est pas un être humain seulement qui a de parler, il a en anglais, on parle de channeling. Il est le véhicule, d'accord? Le véhicule des idéaux qu'on doit établir sur la terre à partir du quartier général dans les cieux. On prend donc le représentant sur la terre pour qu'il prêche cette doctrine-là. Dans la Bible, votre Bible parle par exemple concernant le domaine spirituel que des prédicateurs vont venir maintenant avec des doctrines des démons. Dont les démons ont des doctrines qui veulent qu'on prêche sur la terre. On ne pourrait jamais voir une doctrine, quoi, un démon en l'air aller prêcher l'évangile. Jamais. Il doit passer par des corps pour annoncer des doctrines, des enseignements pour que les gens croient. Ainsi, on est dans celui du camp-là. En fait, dans l'autre camp, c'est encore plus grave. Maintenant, écoutez très attentivement. Quand ces pensées sont données sur la terre, tuer la personne, la pensée va reprendre une autre personne. Vous avez remarqué l'essor et ces sursauts des panafricains qui se réveillent partout, non? Que l'Afrique doit faire ceci, l'Afrique doit faire ceci. Comme Kwame Nkrumah le disait, en fait, Kwame Nkrumah, c'est le nom de la personne en qui il était passé. Sekou Touré, c'est le nom des personnes qu'on avait utilisées sur la terre. C'est le même esprit qui a de communiquer. Et on a dit que refaites les idéaux qu'on avait déjà inspirés. Donc, le plan a déjà été mis en place. D'accord? Vous avez moi? Alors, donc, quand vous ne priez pas pour les autorités, priez pour qu'ils dirigent comme ils se doivent. Il dit, dans la première partie, il dit, il y a des gens. Je ne peux pas seulement citer le nom, ni donner la position, ni dire quoi que ce soit. Ils disent, priez seulement pour nous, c'est à cause de vous qu'on peut bien diriger ici. Et ils savent cela. Par trois fois. Priez, priez. Parce que c'est grave là-bas, avec ce qu'on vit. D'accord, frère? Voilà, donc, priez pour nous. Vous savez, on doit aller en Côte d'Ivoire. Dès la semaine prochaine, on sera en Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Dès qu'on revient au Cameroun directement, on va aller, quelques jours après, on va aller du côté du Maroc. D'accord? Priez pour le Maroc, pour laisser les frères qui sont là-bas, pour qu'ils en profitent également. Priez pour la Côte d'Ivoire, pour que ceux qui sont là-bas en profitent également. D'accord? Donc, je crois que quand on va revenir de la Côte d'Ivoire, oui, le Maroc, je ne sais pas si ce sera. Je crois que le Congo, le Gabon, le Kenya, l'Afrique du Sud, je crois bien, l'Afrique du Sud, le Canada, l'Amérique, je ne sais pas comment, dans quel sens, mais. C'est bien sûr, c'est qu'on rentre, Dieu voulant, on va directement au Maroc. Donc, rendez-vous pour les Marocains, pour tous ceux qui sont au Maroc. Vous allez prier pour le Maroc, frère. Pour ceux qui sont au Maroc, n'est-ce pas? Priez pour le Maroc. Donc, pour leur prière, vous avez trouvé le jour, c'est quand? Samedi. Nous sommes mercredi, donc samedi qui est devant nous. Le 15 août. Nous sommes en quel mois? C'est en juillet, ça. 15 juillet. Tu parles. Donc réunissez-vous. Il veut vous trouver. C'est où? Ok, donc donnez-vous des rendez-vous, vous vous trouvez là-bas. Comme on est à jeûne, on est dans la période du jeûne, vous vous réunissez, j'arrive. Et donc le 15 août encore, on va encore prier. Parce que le 15, quoi que on va revenir au Cameroun à partir du 5 août pour partir aussitôt, mais le 15 août, il faut qu'on se réunisse encore, on prie. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Donc, priez pour le Maroc, donc. C'est le départ pour le Maroc. Après la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. côte douce. Oh.